Et rappelez-vous quand il vous fit succéder au Had et vous installa sur la terre. Vous avez édifié des palais dans ses plaines et taillé en maisons les montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits d'Allah et ne répandez pas la corruption sur la terre comme des fauteurs de troubles.